بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الحضور، حياكم الله. Donc dans le cours précédent, nous avons vu le premier hadith que l'auteur a mentionné. Et à la fin du cours, nous avons parlé brièvement des différentes catégories d'eau. Et nous allons y revenir rapidement, Inch'Allah, avant de passer à l'explication du deuxième hadith. Donc comme nous l'avons évoqué dans le cours précédent, les ulama, donc les savants, ont divergé concernant ce sujet. Le premier avis est celui de la majorité des savants, tels que l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, tels que l'imam Shafi'i, et c'est aussi l'un des avis de l'imam Ahmed, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et donc cet avis est que l'eau se divise en trois catégories. La première catégorie, c'est l'eau pure et purificatrice. Donc c'est l'eau qui est restée dans son état originel. Et cette eau peut être utilisée pour les adorations et les habitudes. Tu peux utiliser cette eau pour faire les ablutions, pour faire le roussel, et aussi pour faire le ménage, la cuisine, etc. La deuxième catégorie, c'est l'eau pure, non purificatrice. Et c'est l'eau dont l'une des trois caractéristiques a été altérée par une chose de pure, telle que le savon ou autre chose. Et donc ces savants ont dit que cette eau ne peut être utilisée que pour les habitudes. Et elle n'est donc pas utilisable pour les adorations, car elle n'est pas purificatrice selon eux. Et la troisième catégorie, c'est l'eau impure. C'est l'eau dont l'une des trois caractéristiques a été altérée par quelque chose d'impur, tel que l'urine ou les selles par exemple. Et cette eau n'est pas utilisable ni pour les adorations et ni pour les habitudes. Donc cette classification, c'est l'avis de la majorité des savants. Ensuite, nous avons l'avis de certains savants, qui est que l'eau se divise seulement en deux catégories. La première catégorie, c'est l'eau pure et purificatrice. Et la deuxième, c'est l'eau impure. Et comme on l'avait mentionné dans le cours précédent, cet avis, donc le deuxième avis, c'est l'avis le plus juste. Et c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, C'est aussi l'un des avis de l'imam Ahmed. Et c'est aussi l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et aussi Cheikh Al-Uthaymeen, comme dans son livre intitulé Sharh Al-Mumti'a, et d'autres savants. Et quelqu'un ici, il pourrait demander pourquoi cet avis est le plus juste. Et la réponse à cette question est que l'eau pure, non purificatrice, qu'a mentionné la majorité des savants, cette catégorie n'existe pas dans la législation. Et comme l'a mentionné l'éminent savant Cheikh Saleh, ou plutôt Cheikh Al-Uthaymeen, s'il y aurait une catégorie d'eau pure et non purificatrice, cela aurait été quelque chose de connu. Et ceci aurait été mentionné dans les hadiths clairement. Mais nous n'avons pas de preuves concernant cette catégorie. Donc soit l'eau, elle a été altérée par une impureté, à ce moment-là, on va dire que cette eau est impure. Ou bien l'eau, elle a été altérée par une chose pure, et dans ce cas-là, elle reste pure et purificatrice, tant qu'on peut encore appeler cette eau de l'eau. Mais par contre, si cette chose pure a enlevé le nom de l'eau, alors à ce moment-là, ce ne sera plus de l'eau, comme on l'avait expliqué dans le cours dernier. Donc ceci était un petit résumé de ce qu'on a vu à la fin du cours dernier. Donc nous allons maintenant passer à l'explication du deuxième hadith. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Donc Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: l'eau est pure et purificatrice et rien ne la rend impure. Et rien ne la rend impure. Donc ce hadith, il est d'après Abu Sa'id al-Khudri. Et Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, il est connu par sa kunya. Comme certains compagnons, tels que Abu Musa al-Ash'ari, Abu Huraira et d'autres. Certains compagnons, ils étaient connus par leur kunya et non par leur prénom. Et le nom d'Abu Sa'id al-Khudri, c'est Sa'd ibn Malik ibn Sinan. Donc le prénom d'Abu Sa'id al-Khudri, c'est Sa'd, fils de Malik et fils de Sinan. Et ici, il y a un sujet qu'il est bon de mentionner et que les savants ont mentionné et qui est relatif à la kunya. Souvent, lorsque quelqu'un se présente, il dit, si c'est un homme, il dit, je suis Abu Fulan. Par exemple, il va dire, je suis Abu Abdillah. Et si c'est une femme, souvent, lorsqu'elle va se présenter, elle va se dire, mafalan, je suis Ummu Abdirrahman. Et la question qu'on peut se poser ici, c'est quel est le jugement de cette action ? Car en vérité, lorsque la personne, elle dit, je suis, si c'est un homme, je suis Ummu Abu Abdillah, et lorsque c'est une femme, je suis Ummu Abdirrahman, ce n'est pas son prénom ici, c'est sa kunya. Donc ici, quel est le jugement de cette action ? Est-ce autorisé ? Est-ce détestable ? Ou est-ce interdit ? La réponse à cela, c'est que les savants, ils ont divergé à ce sujet. Mais l'avis le plus juste, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, et que ceci est autorisé. Car certains compagnons n'étaient connus que par leur kunya, et ils ne mentionnaient que très rarement leur prénom, voire pas du tout. Malgré cela, Les savants mentionnent que si le fait de mentionner sa kunya va mener à une confusion, alors à ce moment-là, il est obligatoire pour la personne de dire son prénom. Tel que pour l'héritage, par exemple, ou dans d'autres situations. Si ça va mener la confusion, que tu mentionnes ta kunya, alors à ce moment-là, il t'est obligatoire de mentionner ton prénom. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de problème lorsque tu te présentes, tu dis par exemple, je suis Abu Foulen, ou si c'est une femme, je suis Ummu Foulen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et en ce qui concerne le jugement de prendre une kunya, ceci est une sunna. Et il n'est pas obligatoire d'avoir un enfant pour en prendre une. Car souvent, lorsque tu demandes à un frère quelle est ta kunya, il te dit, je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas encore d'enfant. Car il pense qu'il est obligatoire d'avoir un enfant pour prendre une kunya. Et ceci n'est pas une obligation. Car la kunya de Aïcha, qu'Allah l'agrée, était Ummu Abdillah. Mais pourtant, elle n'avait pas d'enfant. Donc, il n'est pas obligatoire d'avoir un enfant pour prendre une kunya. Et concernant Abu Saïd al-Khoudri, il faisait partie des savants des compagnons. Et aussi de ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dessous de l'arbre. Il a rapporté de nombreux hadiths et il a donné des fatawas à un moment et il a vécu, comme les savants l'ont mentionné, 86 ans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Innal ma'a tahurun » L'eau est pure et purificatrice. C'est-à-dire qu'elle soit en petite ou en grande quantité, qu'elle sorte de la terre ou descende du ciel ou autre, l'eau est pure et purificatrice et ceci est général. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la yunajjisuhu shay'un et rien ne la rend impure, on exclut de cela l'impureté qui se mélange à l'eau et qui altère l'une des trois caractéristiques. Car les savants sont unanimes pour dire que dans ce cas-là, l'eau est impure. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, rien ne la rend impure, il est exclu ce cas de figure. Quel est ce cas de figure? C'est lorsque une impureté, d'accord, dans l'eau, il y a une impureté, et que cette impureté a altéré l'une des trois caractéristiques de cette eau. Alors à ce moment-là, l'eau est impure. Donc on exclut ça, on exclut ce cas de figure de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rien ne la rend impure. Et donc on tire de ce hadith certains enseignements. Le premier enseignement est que la base de l'eau est la pureté. Et ceci est une règle très importante que le musulman doit connaître. Lorsque tu doutes sur la pureté d'une eau, est-elle pure ou non, sache qu'elle est pure car ceci est la base. Nous avons certaines personnes, lorsqu'ils voient une eau douteuse, ils s'en débarrassent directement. Et ceci n'est pas correct. Car tant que nous n'avons pas de preuve de l'impureté de cette eau, nous devons rester sur la base. Et cette règle, Inch'Allah, nous permettra de nous sortir de certains problèmes et interrogations. Parmi eux, le fait d'utiliser de l'eau utilisée pour les ablutions. Selon certains, si une personne viendra à faire ses ablutions dans un récipient, il n'est pas possible d'utiliser le reste de son eau pour faire ses ablutions. Et ça, c'est quelque chose qui est très répandu. C'est quelque chose qui est très répandu, surtout chez les personnes âgées. Quand par exemple tu rentres dans la salle des ablutions, une personne qui fait ses ablutions dans un récipient et ensuite il laisse ce récipient, qu'est-ce que la personne en général elle fait? Elle jette cette eau. D'accord? Elle jette cette eau. Et quand tu lui demandes pourquoi tu jettes cette eau, il va te répondre car si tu viendras à faire tes ablutions avec ce récipient-là et donc avec cette eau, l'eau est impure. Alors qu'en vérité, l'eau n'est pas impure. Et ici, nous nous servons de cette règle qui est que la base de l'eau, c'est la pureté. Et donc ici, il n'y a aucune preuve qui vient nous montrer que cette eau-là est impure. Donc il n'y a pas de mal à faire ses ablutions dans ce cas-là. Et la preuve à cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'eau est pure et purificatrice, et rien ne peut la rendre impure. Et donc les savants, ils ont tiré de ce hadith-là que la base, c'est la pureté de l'eau. La base, c'est la pureté de l'eau. Pareil aussi pour la question que beaucoup de personnes se posent concernant le fait de faire ses ablutions pour la prière du Fajr directement d'un récipient sans s'être lavé les mains au préalable. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans certains hadiths de se laver les mains avant de faire ses ablutions pour la prière du Fajr. Comme cela est mentionné dans le hadith de Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il lave ses mains 3 fois avant de les rentrer dans l'eau avec laquelle il va faire ses ablutions, car il ne sait pas là où ses mains ont passé la nuit. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et donc certains pensent que s'il viendrait à faire les ablutions de la prière du Fajr directement d'un récipient, sans se laver les mains au préalable, l'eau sera impure. Et ceci est certes faux. Car encore une fois, ici, nous restons sur la base, qui est la pureté de l'eau. Et donc on ne peut pas affirmer que cette eau-là est impure. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Innal ma'a tahour la yunajjisuhu shay. L'eau est pure et purificatrice, et rien ne la rend impure. Donc le simple fait de mettre tes mains directement dans l'eau lorsque tu vas faire la prière du Fajr et faire tes ablutions, ceci ne rend pas l'eau impure. Ceci ne rend pas l'eau impure et nous restons ici sur la base. Nous restons ici sur la base. Et le deuxième enseignement qu'on tire de ce hadith, c'est que lorsque l'une des caractéristiques de l'eau a été altérée par quelque chose de pur, l'eau reste pure. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: rien ne la rend impure, ceci englobe aussi les choses pures. Ceci englobe aussi les choses pures. Lorsqu'il dit et rien ne peut la rendre impure, ici rentrent dans cela aussi les choses qui sont pures, telles que le savon et autres. Donc ça, c'est concernant l'explication du deuxième hadith. Donc ensuite, on va passer au troisième hadith que l'auteur a mentionné. وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أبو أمامة الباهلي rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: rien ne rend l'eau impure, sauf ce qui modifie son odeur, son goût ou sa couleur. Donc ça, c'est le troisième hadith que l'auteur à mentionner. Et ce hadith-là est un hadith qui est faible. Et la cause de la faiblesse de ce hadith est que dans sa chaîne de transmission, il y a un homme qui s'appelle Rishdin ibn Sa'd. Il y a un homme dans la chaîne de transmission de ce hadith qui se nomme Rishdin ibn Sa'd. Et cet homme-là, il a été jugé faible par de nombreux imams, tels que l'imam Ahmed et aussi l'imam Abu Hatim et d'autres. Malgré cela, le sens de ce hadith est juste. Malgré que le hadith soit faible, son sens est juste. Car les savants sont unanimes concernant l'impureté de l'eau, dont l'une des trois caractéristiques a été changée par une impureté. Donc, ce hadith-là est faible, comme nous l'avons mentionné précédemment, mais le sens de ce hadith est juste. Ensuite, l'auteur, il a mentionné, Al-Bayhaqi rapporte, l'eau est pure et purificatrice, sauf si son odeur, son goût ou sa couleur sont modifiées par une impureté qui y survient. Et il est de même pour ce hadith. Ce hadith-là aussi, il est faible. Mais encore une fois, le sens de ce hadith est juste. Donc les deux hadiths que l'auteur il a mentionnés, ils sont certes faibles, mais leur sens est juste. Car les savants sont unanimes pour dire que si l'une des trois caractéristiques de l'eau a été altérée avec quelque chose d'impur, l'eau devient impure. Donc ça, c'était concernant le troisième hadith. Et on va passer directement au quatrième hadith. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لا لم ينجس. عبد الله ابن عمر rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: si l'eau atteint le volume de deux jarres, elle ne peut être souillée par quelque impureté. Donc ce hadith, il a été rapporté par Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée. Et Abdullah ibn Omar, c'est le fils de Omar ibn Khattab, qu'Allah les agrée. Et Abdullah ibn Omar, il s'est converti à l'islam étant petit. Et il a ensuite émigré avec son père, alors qu'il n'était pas encore pubère. Et il n'a pas pris part à la bataille de Uhud à cause de son jeune âge. Et sa première bataille a été celle de la tranchée. Et Abdullah ibn Omar, il faisait partie des compagnons qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dessous de l'arbre. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: si l'eau atteint le volume de deux jarres, elle ne peut être souillée par quelque impureté. Donc concernant ce hadith, il faut tout d'abord savoir que les savants ont divergé concernant son authenticité. Certains savants sont d'avis qu'il est faible. Et parmi eux, nous avons le grand savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a même mentionné dans son livre intitulé Tahvib As-Sunan, 16 points montrant la faiblesse de ce hadith. Et d'autres savants sont d'avis qu'il est authentique, tels que Ibn Khuzayma, Ibn Hibban et Al-Hakim et d'autres savants. Et ceci est l'avis le plus juste. L'avis le plus juste concernant ce hadith, c'est qu'il est authentique. Et donc après avoir divergé sur l'authenticité de ce hadith, les savants ont ensuite divergé sur sa compréhension. Donc certains savants, ils ont dit que le sens induit de ce hadith Et que si une impureté se trouve dans une eau qui n'atteint pas le volume de 2 jars, qui est équivalent à 195 litres environ. Donc ils ont dit l'eau est impure. Ils ont dit ces savants-là, le sens induit donc de ce hadith, c'est que si une impureté, elle se trouve dans une eau qui n'atteint pas le volume de 2 jars, c'est-à-dire qui n'atteint pas 195 litres, alors à ce moment-là, l'eau est impure. Et donc de ce fait, ils sont d'avis que lorsque l'impureté tombe dans une eau d'une moindre quantité, elle est directement impure, même si aucune de ces trois caractéristiques n'a été altérée. Et ceci est l'avis de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Shafi'i et d'autres savants. Et nous avons d'autres savants qui ont, eux, mentionné une autre explication à ce hadith. Selon eux, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'eau atteint le volume de 2 jars, elle ne peut être souillée par quelque impureté, selon eux, ceci est en règle générale. C'est-à-dire, en règle générale, l'impureté n'impacte pas sur l'eau en grande quantité, mais elle impacte plutôt sur l'eau en petite quantité. Mais ceci ne veut en aucun cas dire que si l'eau est de moindre quantité et qu'il y a une impureté dans l'eau, que celle-ci est forcément impure. Car ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que l'impureté a altéré l'une des caractéristiques de l'eau? Et il ne faut pas forcément regarder sa quantité. Donc ces savants-là, ils ont dit que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'eau atteint le volume de 2 jars, elle ne peut être souillée par quelque impureté. Ils ont dit ça, c'est en règle générale. Et c'est vrai qu'en règle générale, lorsqu'on va avoir une grande quantité d'eau, d'accord, l'impureté ne va pas impacter sur cette eau-là. Mais ils ont mentionné que concernant l'eau qui est de, on va dire, qui est moindre, ça ne veut pas dire que si une impureté viendrait se mélanger à cette eau-là, qu'elle est directement impure. Car l'important, ce n'est pas la quantité, mais l'important, c'est est-ce que cette impureté a altéré l'une des trois caractéristiques, oui ou non. Et concernant cette explication, ils se sont basés sur plusieurs points. Le premier point sur lequel ils se sont basés, c'est le hadith de Abu Saïd al-Khoudri, qu'on a vu précédemment. L'eau est pure et purifiante, et rien ne peut la rendre impure. Donc ils se sont basés sur ce hadith-là. Le deuxième point sur lequel ils se sont basés, c'est que le sens induit du hadith des deux jars contredit le sens textuel du hadith de Abu Saïd al-Khoudri, qui est l'eau est pure et purificatrice et rien ne la rend impure. Donc ici, ces savants-là, ils ont dit que nous avons le hadith de Abu Saïd al-Khoudri. L'eau est pure et purificatrice et rien ne la rend impure. Et nous avons aussi le hadith de Abdullah ibn Omar, qui nous dit si l'eau atteint le volume de 2 jars, elle ne peut être souillée par quelques impuretés. Et donc, ils ont dit que le sens induit du hadith des 2 jars, il contredit le sens textuel du hadith de Abu Saïd al-Khoudri. Car le sens induit du hadith des 2 jars, c'est que si nous avons une eau qui n'atteint pas la quantité de 2 jars, c'est-à-dire à peu près 195 litres, et qu'une impureté vient se mélanger à cette eau, elle devient impure. Elle devient impure. Et donc ça, c'est le sens induit de ce hadith. Et nous avons le hadith de Abu Saïd al-Khoudri, qui nous dit l'eau est pure et purificatrice, et rien ne la rend impure. Et ici, le sens textuel de ce hadith, c'est que rien ne peut rendre impure l'eau à part lorsqu'une impureté vient se mélanger à cette eau et que l'une des trois caractéristiques change. Et donc la règle concernant ce genre de situation est que le sens textuel a priorité sur le sens induit. Dans ce genre de situation, comme les savants l'ont mentionné, et ceci est une règle, le sens textuel a priorité sur le sens induit. Car le sens induit peut être juste comme il peut ne pas l'être. Et donc il est obligatoire de donner la priorité au sens textuel. Donc ici, on donne la priorité au fait que l'eau est pure et que rien ne la rend impure, sauf si une impureté altère l'une des caractéristiques de l'eau. Et ceci est certes l'avis le plus juste. Et c'est l'avis d'un bon nombre de savants, tels que l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et c'est aussi l'avis de certains parmi les pieux prédécesseurs. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Aussi, c'est l'avis qu'a choisi Ibn al-Qayyim et Cheikh al-Uthaymin. Donc, lorsque nous avons une impureté dans l'eau, ce que nous devons regarder, c'est est-ce que cette impureté a altéré cette eau, oui ou non? Si la réponse est oui, alors nous allons juger cette eau comme étant impure, qu'elle soit en petite ou en grande quantité. Mais si la réponse est non, alors nous allons juger cette eau comme pure. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'eau est pure et purificatrice, rien ne la rend impure. Donc ça, c'était concernant l'explication du quatrième hadith, le hadith qu'on appelle le hadith des deux jarres. Et nous allons finir ce cours par mentionner certains sujets concernant le jugement de certaines eaux. Le premier sujet, c'est le jugement de l'eau dont les caractéristiques ont été altérées car elle est restée un très long moment sans être utilisée. Donc le jugement de cette eau est qu'elle est pure. Elle est utilisable pour les ablutions, le ghusl et autres. Et la preuve à cela est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri toujours. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, l'eau est pure et purificatrice, rien ne la rend impure. Et l'éminent savant Cheikh al-Uthaymin, il fut questionné concernant le sujet, ou plutôt concernant le jugement de l'eau qui stagne dans des mares. Et des fois, cette eau-là, elle viendrait à stagner jusqu'à 10 ans sans être changée. Et le questionneur, il lui dit même que cette eau devient parfois verte. Donc là, on voit ici que l'une des caractéristiques de l'eau, elle a été altérée. Et ici, c'est la couleur. Et Cheikh Al-Uthaymin, il répond que cette eau est pure et qu'il est permis de faire ses ablutions et le ghusl avec. Et quelle preuve il a cité à votre avis? Il a cité le hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'eau est pure et purificatrice et rien ne la rend impure. Le deuxième sujet est-il permis de faire ses ablutions avec de l'eau de Zemzem? Est-il permis si par exemple tu as de l'eau de Zemzem chez toi, est-ce qu'il t'est permis de faire les ablutions avec de l'eau de Zemzem? La réponse à cela, c'est qu'il t'est certes permis de faire tes ablutions avec de l'eau de Zemzem. Et les savants qui sont de cet avis, ils se sont basés sur la généralité des preuves. Et la généralité des preuves montre qu'il t'est permis de faire de l'eau ou plutôt afouane, de faire tes ablutions avec l'eau de Zemzem. Et cet avis est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Al-Shafi'i, et c'est l'avis aussi qu'a choisi Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.